Manuel scolaire Ma patrie, géographie classe 10-12, édition nationale du Septentrion. L'archipel. Géographie physique. L'archipel est, comme son nom l'indique, un immense chapelet d'îles de différentes tailles, se situant entre l'Océanie et l'Orient dans l'océan extérieur. Le climat y est clément, tropical dans le sud et méditerranéen dans le nord. La plupart des îles sont d'origine volcanique, la faune n'y est pas particulièrement riche, contrairement à la flore. Présence humaine. On estime la population de l'archipel à environ 75 millions d'habitants, avec une densité de population très hétérogène selon les îles. L'urbanisation quasi totale des plus grandes îles contraste avec les milliers d'îles quasi désertes. On estime que les trois quarts de la population occupent environ 20% du territoire. Niveau de vie. L'archipel est l'une des dictatures les plus riches. Les habitants vivent en quasi-totalité dans la plus grande aisance. Leur niveau d'éducation est extrêmement élevé, comparable seulement à celui du Septentrion. L'archipel est la seule dictature où les ordinateurs n'ont pas été détruits et où les habitants continuent d'avoir accès au réseau virtuel mondial. Gouvernement et organisation sociale. Le maître de l'archipel est actuellement Nebelvir. Aucun gouvernement physique ne maintient la structure sociale en place. Le gouvernement, plus connu en archipel sous le nom d'autorité, utilise uniquement les moyens de communication virtuels. Chaque citoyen est ainsi relié avec ses supérieurs par le biais de son ordinateur personnel. Il reçoit des ordres, ainsi que du travail à fournir, quotidiennement. Aucun code pénal, aucune administration d'aucune sorte n'existe en archipel. Les moyens de surveillance et de répression demeurent très opaques. Politique extérieure. Contrairement aux autres puissances majeures, l'archipel ne fait partie d'aucune alliance militaire et affecte depuis des dizaines d'années une totale neutralité en matière de politique étrangère.